Souvent. chercher ce qui fait rêver. Savourer les baisers salés. Écouter le vent. Profiter du temps. Et s'aimer. Pouvoir se laisser aller sur les vagues dans cet océan bleuté. Savourer l'été, le soleil toute l'année. Liberté, liberté. Approcher ce qui fait rêver. Savourer les baisers salés. Écouter le vent. Profiter du temps. Et t'aimer.